bienvenue sur Canal Sud 92.2 FM, canalsud.net, sans nuisance. Canal Sud, 92.2 MHz. C'est Anexia. Pardon. Nuisance. Ça faisait longtemps. Avec ce soir, une première. Un nouveau duo. David Lataillade, guitare, son. Karina Benziala, texte, voix. En live, en direct, sur Canal Sud, 92.2 MHz. Téléphone 05 61 53 36 95. Fuck me! You can fuck me if you want to. It's all my fault. C'est toute ma faute. fuck me. Fuck me, please. Please, fuck me. Compassion, please. Compassion, s'il vous plaît. Baisez-moi. Baisez-moi, s'il vous plaît. Compassion. Compassion. Compassion. Compassion. Derrière la glace, qui lorsqu'elle fond fait apparaître un autre être au-delà de soi. Qui palpite au-delà des os du savoir, cœur qui bat, oiseau blessé contre la dignité. des mensonges qui figent. Petite chose perdue en mouvement. Non, non, non, non, non, non, non, non, non. K.O. non. À ordonner, non. Sans mal. Non. J'ai sorti mes brouillons, cela m'angoissait, tout ce brouillonnage, cet improvisé perpétuel. Loin de la rigueur, loin de la machine lourde. Machinerie fragile et bégayante qui s'ajuste au réel et ne peut faire qu'avec l'énergie ici-bas. J'ai sorti mes brouillons. Les brouillons, c'est pas beau. J'ai dit c'est beau, les brouillons, sans savoir que je le disais. Je les ai étalés, exposés. Les mauvais et les bons, les raturés, les bien écrits, les minables, les passables, les beaux, mal écrits, les fiévreux, toujours à la patte, à l'ordi, à l'imprimerie. J'ai sorti mes brouillons, puis les ai reposés. Brouillonnant en tas dans ma chambre et je les ai trouvés beaux, non pas bien rangés, non pas classés, non pas efficaces, non pas rentables, mais là, présent, vivant, encore, encore, encore. Alors, ensuite, des histoires se raconteront, mais on n'en fera pas un camp de concentration, un camp de salut, si, mais un camp en pagaille, un camp avec des fossés. Mais que ces fossés soient beaux, que la gadoue donne envie de chanter. On n'en fera pas un camp militaire, un camp nazi, un camp de travail. Un camp de paraître, un camp de bonnes actions, de bonnes pensées. De bonnes résolutions, non. On n'en fera pas un camp nazi. Non. On n'en fera pas un camp nazi. Non. Le SS en soi, on le laissera parler. Ainsi, le SS en soi, il dira, il criera sa haine, notre haine universelle, partagée, chacun, chacune, nos haines, nos outrances, nos outrages, criés près du feu. Dire notre colère, on pourra dire que notre colère était aussi grande que celle d'Hitler. Hein, on criera notre haine. Près de la boue du fossé, on pourra dire qu'on peut ressentir une haine aussi grande que celle d'Hitler. On pourra dire qu'on est des héritiers d'Hitler. On pourra dire que si on peut comprendre la haine d'Hitler, ne passe la voilée notre pauvre face pâle et rouge. Alors notre SS en soi, il fondra. Un endroit de son cœur deviendra goutte à goutte un endroit. Son oiseau se posera dégelant, petit oiseau, se posera dégelant près de la tête du dormeur du Val. En faisant bonne figure. En faisant bonne figure. Dans le temps, il y a le vent. Dans le temps, il y a le vent. Il y a le chant, il y a le chant, il y a le cran, il y a le cran. Reviens en arrière. Sinon quoi? Quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Sinon rien. Rien. Sinon rien. Sinon rien que ce rien. Rien. Rien que ce non advenu. Dans le temps, il y a le vent du sud. Encore ce vent d'ici qui balaie à la porte. À la porte, ce temps-là. Ici ou là-bas. Ici ou là-bas, ce temps là-bas. Tu rêves d'avant. Ce temps d'avant, le temps de maintenant. Maintenant. D'avant le rêve. Et maintenant le rêve éveillé, s'il vous plaît. Éveillé. Les chemins embrouillés. Le temps du poème, du noir ou de l'ombre. Ami, inquiète ou combattante. Les deux en même temps, à différents états, différentes atmosphères, autant de couleurs que la palette possible des couleurs. Thank you. Canal Sud 92.2, c'est Nuisance. C'était une pause. Dans quelques instants, le duo David Carina reprend. Encéphale au cœur gros, revenez du cimetière où l'on avait la veille enterré sa mère. Revenez de la guerre, encéphale au cœur gros. Connaissez point, croyez-moi mes amis, c'est un autre pays. Revenez d'un pays que vous ne connaissez pas. Je vous le dis maintenant, je vous le dis déjà. Encéphale au cœur gros, jamais ne s'en remettra. Je vous le dis tout cru, je vous le dis tout cuit. Encéphale au cœur gros dans son trou s'enterra. Vous le voyez passer tout près de vos fenêtres. Vous le voyez passer et croyez le connaître. Et croyez le connaître. Encéphale au cœur gros un jour vous surprendra. Encéphale au cœur gros un jour. Mais vous oublierez vite, vous oublierez ma foi. Encéphale est trop triste, encéphale est trop laid. Encéphale a des tics, encéphale vous effraie. Et un encéphale triste, c'est une catastrophe. gens que vous êtes vous fait vous rassembler au bord de la bêtise, de la stupidité, tous unis, mais pas lui. Pauvre petit, pauvre petit, pauvre petit. Encéphale et tout seul, encéphale les deux trous, seul dans sa bulle, seul dans ses rêves, seul dans son ennui. Encéphale n'a pas de tête, ou bien trop grosse pour lui. Encéphale est trop bête, encéphale est pourrie. De tous les vices qu'on cache toute sa vie, qu'on cache toute sa vie, qu'on cache toute sa vie. Encéphale est méchant, encéphale est gentil. Encéphale a des dents, encéphale ne s'en sert que pour creuser sa vie, que pour creuser sa vie. Particulièrement la nuit, seul, seul, dans son lit. Particulièrement maudit, fainéant, abruti. Dans son trou, il s'enterre. Dur, dur comme la pierre, sans maison, sans amis, le rideau s'alourdit, lourd, lourd, léger comme l'éther. Sa vie sur terre est un enfer. Encéphale, encéphale, encéphale s'est enfermé, un sourire pourrait l'aider. Mais encéphale voit toujours son miroir dans tout ce qui l'entoure, dans tout ce qui l'entoure, dans tout ce qui l'entoure, dans tout ce qui de verre, juste crucifix porté en acier, assaut, ferment, fer, maman, juste carnassier à vos souhaits, mille pattes nargues, le babylonien reptilien chien qui aboie aux abois. Sur le chemin fané de la rose, en mille éclats volés, violés, vert taché de souillure du temps, reprend pour écouter un. L'oiseau parle, et alors deux. Qu'a à dire égaré par le veau, le silence. Chut. Fort à faire dans les abords. Des tombeaux verglas partis en fumée. Tendre, tombe encore, entendre les mêmes serments répétés à tue-tête. Enfant gâté, pousse-toi de là que je m'y mette. Froissure, brûlure, tenir la coquille vidée, avec le temps d'avant murmurer, susurrer, exposer. On a pris la fourchette, râteau pour dépeindre le monde. En gros cailloux balancés sur l'alcôve du geste, moussaillon engorgé de panures de sel pour construire un bateau. Aux heures creuses avec le cri des mouettes qui passaient par là. Et du hasard. Et reprenons sens pour dire bien bas ce qui démange à tes souhaits. Vilipendons la pierre nature morte amusée à regarder pâlir le fossoyeur, des heures que les épithètes tombent comme des serments égarés. Du « m'as-tu vu ? M'as-tu touché la chatte ?» Comme si il s'agissait de dire l'oubli ou la souvenance à ma sœur que nous avons du pain sur la planche. De quoi couper en deux le fil de la raison d'État, invoquée en puissance, avec nos bras virils et nos têtes palottes, filles. De blanches colombes affrontées à Sieux, comme nous lui avons décrit la terre, il se tord de remords et on tombe à pic pour tresser le portrait des choses qui passent sans regret. Dans l'heure qui tressaute à plusieurs défraiements avec des cris d'alerte en Pythagore né naissant comme à quatre pattes devant la sémantique offerte au verbe qui croit et dessine la lune en refrain allongée sur la pente qui s'aligne avec les décibels portés aux poupes, poupons de fer, c'est faire et défaire les alliés du merci. Avec les sentiments troués à l'ombre de leur âge, naviguant sur le trépas des heures qui glacent, le froid des eaux à recouvrir avec les songes des ongles qui vient portant écrivent des mots qui se tortillent en ouragan de verbes songeurs, la moue bien faite avec ritournelle acérée. On regarde décrocher la lune aux aguets, mal baisée, on en parle encore de ses audaces frontales et verts bigarrés, aux lunettes prises, avec le hérisson à la patte, sa morsure, des flancs comme des roseaux. On a défait le martinet en Bretagne à coups de pompe dans le naufrage. On se met à virer de bord. Son horizon a sa faucille en tête de mort et s'en glisse l'arme d'effroi. On ne saurait qu'en dire. On n'a pas pactisé avec la République et la lui rend bien fraternelle. Aurore épousée avec surdité au temps qui passe. Sans déconvenance, soyons incongrus, qu'à mal s'y pique, la rose éclot. Et si bien à dire qu'à tout tenter, on saurait éviter le pire. Alarme! En hôte accueil et sortilège du travail, pouvoir, blaireau et monture portée en crispation dorée d'outrancieuse, surplus baratiné avec une évidence clairvoyance, on délivre les asticots avec des pattes de libellule et on refait la pâtée avec la nausée des empereurs qui font chanter la voie lactée et font leur peur et font leur peur et font leur peur leur peur leur peur leur peur leur peur leur peur leur peur Abdullah leur peur leur peur leur peur Abdullah leur peur leur peur. Parole dans une triste figure de style et de connivence avouée avec les partenaires difficiles que sont les compagnons sans con et sans édifice, si généreux qu'ils puissent offrir un abri doux à qui aurait le dos éclaté. Par les travaux forcés. On a mesuré le temps avec des thermomètres éclairs, arrondis aux fissures brisées en dedans, colimaçons, tête pendante, à s'y moucher, on aurait cru que le devin serait tout nu, non. Il était habité de poussière, genre orangeâtre, un peu saumure, artificiel, ces paradis de mousse géante, avec un front grossier et un piquage de tête à queue. Sans malice, pas de savoir-faire, rusé et le renard en bleu qui sait. Bah quand gaiement nous battons la campagne avec nos fusils roses et nos bonbons gâtés, nous avons des entraves aux poignets faits d'acier et de vent qui nous chauffe les oreilles et nous tire en avant vers le jour qui s'éveille. Sûrs de nos apparences, on traîne de surcroît toutes nos espérances et nos attentes en soi, en petit soi, vers fané qui se tisse. Ah, nos songes délavés, comme une écrevisse, j'ai les yeux tout défaits et tu mords en filet que je n'ai pas tressé. Au fil des apparences se retrouve le temps où l'enfant part en transe et rejoue la mi-temps. On a fait l'évasion pour dorer la pilule aux satanés espions qui courent les vestibules. On repense au miracle de ne plus croire en soi. La boue est en primate qui se joue de débat. Le temps coule comme un seau, fer glacé dans le froid. Je crève avec la peau, miroiter mes émois. Tu te sens suicidaire, tu as perdu le temps. Nous reprenons en frère ce qui veut son tourment. On aurait seulement pris les arêtes à ses bords comme des chevaliers exquis du métal. On adore la paroi audacieuse du vent qui tourbillonne et du sable en amphore déguisé en pauvre conne. Pauvre conne. Jacques Lemoine. Si on savait jouer au dé, on irait mieux, c'est sûr. Ça se vend aux aguets, on croit en la brisure du temps qui se reprend, dérouté tout en rond. L'esquimau croit au vent et en son blason. L'édifice 200 pages à peu près, search pay. On aurait pris le vice de dévisser à souhait, marque-page pour la rime, et on sert au refrain des sorbets mandarines et du cassis au groin mal léché. Les offrandes n'en sont que plus radieuses. Tintelé. Qu'est-ce qu'elle a donc fait, la titirondelle? Elle nous a volé trop du sable bleu. Nous la chasserons, la titirondelle, et nous lui donnerons trop petit coup de bâton. À la deux, à la trois. C'est sûr, ça mastique pas à mort. Ça défriche des zones. C'est des zones, ça envergure le décor. Ça réfléchit comme une machine. Ça ressasse, ça conçoit, ça met en berne et ça balaie. Enfin un verbe d'action. On y est, les gars, c'est la bonne porte. Puis-je frapper sans vous salir? On y a cru longtemps. Puis on s'est affaissé. Ça ne va pas durer le temps de l'affaissement. À 7 du lendemain, prise au piège des édifices, la porte est ouverte, je t'ai dit. Va pas la refermer avec tes poings. C'est bête. On fait sa gestapette. On reprend les rides au navire. On reprend les torticolis des songes. On reprend la mathématique des ombres. On reprend le fer à cheval. On a dompté les ecchymoses en forme d'armes, d'arbres géométriques. On a joué les bras blessés et on a ressorti nos avions de papier lancés à la ronde. Tous, ils se ressemblent, ils sont tombés dans l'air et pof, pris par un raccourci, tiré la chasse. Et puis, essuie le mur de peine, diapason à distance. En cul, de sac, ouvert, au trou noir de ta gueule, de vache. Ah, l'écriture, ferme. Ça résonne là-dedans. Note, du beurre et du chocolat. J'en prendrai 10 à compter, emporter, vers le site. Le site, cité Ralphite, qui apaise. Et qui t'en mordre la queue du cheval. Hein? Et qui t'en, hein? Empailleté en fumigène, en paillasson. C'est quoi ce chat chamar? Maman, c'est quoi ces habits blancs, oui? Oui, c'est quoi? Quelle pâleur, vos édifices? Ah, tirez la langue, pas moins sexy, moins un garçon, une paire de saucisses galvaudées. Enjambez la rivière, le courant y est fort. Électrons se déplaçant en souriant, tête de gouttière, tirez la langue. Marche pied plus haut, escalator. Paris, escalator. Paris, escalade, escalade, escalade du rire, escalade. Rechausser la langue avec des artifices en fumée éteinte. Nos yeux sont morts-nés avec un petit goût de crade, de plat, de tiraillement au bord des yeux. Oiseau chante, oiseau chante. J'endormirai mieux cette nuit. À vous dire comment on se sert des outils dispensés de sortilèges. On a refait le succès à sa trace. Empreinte d'aigle, sans plume. Et tourneau, maudit. Je vous admire. On abaisse son caquet au volatile noir. Et rouge, va-t'en puisser le sang ailleurs, faible gosier. On crie ici, on crie, on entend le loup passer à sa démarche silencieuse. Liguer la nuit à mes enfants terribles, revisiter le passé de vos ailes. Prise tournée comme les pages cendrées du roman, achevée hier de la vie languissante. Oh yeah. Oh yeah. Joyeux fanfaron, guéluron. Tirez la porte que je vous calme. Venez mes mourons, venez mes faramboles gainées de blanc, venez tachées de gris. On est la mémoire qu'on inspire. Venez renifler l'odeur du saumon. Il est bien frais, je le rapporte au goût des autres mélangés. On a tombé le pagne, on a joué longtemps, joué au chat, à la souris, joué longtemps, on a joué longtemps, jouer longtemps, jouer au chat, la souris verte ne mange pas, tirée par la queue. On s'est allé alors avec des clous bien frais, mes clous bien frais. Je les égoutte, je les asperge, je tiens debout. Je suis une reine de fer et de coton pâle. Dégueulis de paupières. Ah, crucifix réanimé. On tire avec un fil de laine. On étale. On englobe, on retrace, on retend. On tire la porte avec son mouchoir. On reprend le fil du tireur. Ah, bas, la monarchie. Ah, bas, la monarchie. De San Francisco à Berlin, tire flanc. 100 francs pour dessiner un escargot. On en reprend, on reprend la tapette et on nourrit les frères à nos adieux. On retire la manivelle et le petit bonhomme se tourne en mille côtés, je crois. Il refait le tour, petite, avec des yeux tout ronds. Surpris ? Non ? On voit bien que vous écoutez. Bien. Ah ! C'est encore un songe, oui. On a dessiné des repères sur la map monde. Voyez-vous, vous êtes ici, ici, frère. Ici, mon père et ma sœur. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Ah oui, il s'agit d'une autre responsabilité. À qui entendre, hein? Vous êtes sourd? Non, juste, je ne sais quoi tirer le fil rouge là-bas. C'est grave, docteur? Non, je ne m'inquiète pas. J'ai juste des remords. Est-ce qu'elle souffre? Non, elle est en bois. Ah, d'accord, ne lui faites pas mal. J'ai peur. De quoi? Oui, ici on est allé chercher le fouet. Non, ne me touchez pas. Ça crie dedans, j'ai peur. Arrêtez, vous me faites mal. De quoi? Un trou? Une bière? Un citron pour déboucher quoi? Qui? Le hangar? Le hangar? Mais vous êtes vous? Vous n'y pensez pas. Vous n'y songez point. Je suis à vous éperdu avec un bout de collier qui pendait. C'était donc ça. C'était donc ça. Ah, sacré pan, je vais lui être la denrée dure. Quel saligaud. Au foin, à vos pieds, vos ordres, sire. Tenez la manivelle, sinon la bobine chuinte. C'est encore le petit chaperon. Ah non, non, pas cette histoire-là. Elle surgit à chaque fois. Le chat, au voleur. Mais tenez-le, donc tenez-le, je ne peux pas. Gifle. Mais transformez-le alors. En quoi? Ça se mange. C'est délicieux. Avec une salade verte pour la santé. Encore vos gueules de bigorneaux. Non, faites-la frire avec des haricots et un steak saignant. Chute, ah, ça fait longtemps que je n'ai pas revu cela. Non, si, si, je vous assure. Mais à qui parlez-vous? À qui parlez-vous? À moi? À que dire? Je sais pas formuler, c'est une réponse, ça. Certes, ça inaugure le pire. Le pire est dans ma chaussette, là. Il s'agit de cela. À faire d'ouvrir le ventre. Si vous trouvez un porte-clé, c'est moi qui l'ai, c'est moi qui l'ai. Ben, faites pas cette tête, mais à qui elle parle? Mais c'est pas possible. À vos souhaits. Ah, c'est la manigance de requin, ça. Ah, ça pour dire. Oh, mais bon, de quoi? Mais quelle langue, le chinois, incompréhensible, mon âme. Mais fait un temps de chien, ça cogne, ça cogne. Pas le temps de rebondir, la cervelle, si elle cogne, qu'elle fume un foin. À vous aussi, à vous. C'est languissant. Je languis au secours. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, la porte, silence, la porte, mais c'est assez. Ah, croyez-moi, si, si, je vous crois. Docteur, Père Sifflet, quel son entendez-vous? C'est assez, je m'assoupis. Et c'est encore plus fort que le remède miraculeux du docteur Schweitzer. C'est-à-dire, à dire plus qu'est-ce à dire. Vous n'en pensez pas moins? Si, je sais, vous allez vous mettre et à tout prix, je ne vous crois pas. Si, je glane, je galvaude même. Mais docteur, il a mal aux oreilles. Mais ça siffle, un téléphone même, ça roucoule, il dit Réa, je sens que je vais y passer, sous la rampe, docteur. Ah docteur, on n'a pas sa chance en ça, ça tombe ou ça revient au galop, mais ça tire la patte à qui montre les dents. Ah si, si, je vous assure, c'est une question de repos bien assuré, dans sa tombe, il était mort, gris mort, gris un peu bleuté, ah le nénuphar. Ah, un enfant, éléphant, qui se trompe, a revêti des turbouchons pour redresser ses oreilles. La patte a stiqué le sol, a stiqué le sol, a stiqué le sol. On a beau dire pour une Marie, c'est pas de la graine de lutin. Ah si, le sacrifice, on a oublié le sacrifice. Viens que je te jette, viens, viens, je te jette. Si je, attrape-moi mon cœur, attends. D'un surplus d'un cheveu à qui tirer la langue. On a échappé belle. On a fermé les décibels. À la porte, j'étouffe, et je m'assois, m'en tenir au fauteuil, gonfler ma barbe, mes fières allures. Je suis chez moi, je suis polymorphe. Elle flotte, dame, je me tire. Je me tire, je vous avais prévenu. Ah, il fallait pas que j'aie gagné d'être beau si toutes les femmes me trompent. Ah, si, c'était une gageure. Nous traversons l'Amérique à nos fronts si grands. Le soleil étouffe, le soleil étouffe, le soleil étouffe, le soleil, je respire. Je tombe à pic, coulant, m'étouffant sous l'étoile des apparences grossières de ma maison, ma maison, ma maison, ma maison, ma maison. Se gratter les cheveux. Du vide qui se tient là, une fois de plus, communauté réunie, retrouvée, se gratter les cheveux, chair de ma chair, jouer avec les mots comme on joue avec les petits soldats de plomb. Pour que les maudits résonnent à en étouffer le réel et qu'autre chose, autre, apparaisse. Ventre gonflé, matière prête, nausée, sang qui coule. Trompe les apparences avec le temps écoulé, 20 minutes, pas plus, à peine plus. Que la décadence se consume. De mes voeux, faire un souhait à la tienne, à la nôtre, à la vôtre, et puis c'est tout. La leur, ils iront la chercher au soleil. Tu pues, toi, t'as déversé le sac rempli à ras-bord. La toupie s'arrête sur le sol, à droite, à gauche, il ne s'agit que d'attendre. Réunion, ici, maintenant, de demain, c'est demain, c'est demain les lèvres posées qui décrivent un cercle, le cercle de l'appât. Poisson, poisson, engage-toi, poisson, poisson, engage-toi, poisson, poisson, poisson, poisson, poisson, poisson, poisson, poisson, poisson. Les viscères qui mangent, qui s'étirent. On mange du lait cru. Et nos dents deviennent laiteuses. Accumuler la matière, différents toys parsemés, retrouver les envies de, les envies de, les envies de, les envies de, les envies de. La mort a enlevé son dentier. Il nous faut des miracles et il nous faut un, deux, un, deux. Il nous faut des miracles et un, deux, un, deux. Il nous faut des miracles. Il nous faut des miracles. Il nous faut des miracles. Il nous faut des miracles. Il nous faut des miracles. Il nous faut des miracles. Le trident planté dans son gosier. Les arrogances sont le premier versant de la montagne. Pente douce, glacée et pique d'acier dans les jambes qui marchent. La sirène avance, la sirène avance. Le trident planté dans son gosier. Le trident planté dans son gosier. Ulysse était un assassin. Bourru, la sirène avance, le trident planté dans, le trident planté dans son Ulysse était un assassin, bourru, un mal dont elle était amoureuse. Ils ont réécrit l'histoire, ils ont réécrit l'histoire si Dieu signifie les anges. Femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme, femme élue, femme, femme, femme, femme, femme choisie. Femme, femme, femme zélue, femme choisie comme butin et tribu de guerre. Bracelet, bracelet cliquetant au poignet de la beauté, de la boucherie signalée. À mort, vos épitaphes. Le visage de François Mitterrand en sculpture dorée au centre culturel de Tarascon sur Ariège. Tarascon, Tarascon, Tarascon, Tarascon. César est revenu en petit chien blanc, paraît inoffensif, mange de la pâté industrielle. Fais ton devoir. Il a donné son nom à moi. Assassiné. L'histoire. Assassiné. La mémoire. Par O France. Quatrième vendeuse d'armes au bénéfice du doute. Pas de doute. Clan et colloque et écriture de l'histoire. De notre côté, à nous, à côté de l'école, de la République, des publicités et du temps qui se joue. À nos côtés, ici maintenant, le temps de la mascarade. Capitalisme à tes souhaits. Je ne m'inquiète pas, je n'ai pas le temps de m'inquiéter. En somme, faites un spectacle et partagez avec vos concitoyens. Soyez concis, soyez précis. Sachez jouer l'apparence, la maîtrise des états. C'est gagné, territoire, c'est gagné. Technicien, technicienne, sans âme. Jacques Martin, âme, où es-tu? Âme, où es-tu? Où es-tu? Civilisation, civilisation, civilisation. Tac, civilisation, H, bombe, sache, vois, civilisation. Thank you. quand la brume de la confusion a envahi l'environnement urbain, de trajectoires en images composées par l'absurde, les souvenirs de l'apprentissage, malentendus premiers, premières incompréhensions qui n'étaient pas anecdotiques. Changer de la proie potentielle qui est la victime du leurre à des degrés plus ou moins vivables aux chasseurs non inscrits dans mes gènes. Chasser l'utopie du réel, chasser l'utopie du réel, elle revient au galop. Chasser l'utopie du réel, chasser l'utopie du réel, elle revient au galop. Du réel imposé, délirant, factice, avec ses vernis colorés. Souvenir des premières trahisons du système. École, ça n'avait pas déraillé. Le réel était imposé. Le réel était celui-là, en fait. Le réel était imposé. Le réel était celui-là, en fait. Le reste était de l'ordre du discours. Discipline, discipline de l'apparence jamais réelle. Leur apparence, leur. Nous y sommes. Ajustez là le demi-sommeil des morts. Ajustons les sortilèges. Que la page blanche ressurgisse. Et de toutes nos vies marquées à la craie, dessinant un mouton de pâture. À bon gré, mal gré. Avec mon temps de cervelé, je dessine ta tête de mésange et cervelé, le moribond boira davantage que demain. Je suis en rage, ça t'échappe, ça surgit et reprend le temps, le souffle tiède, jauni, jauni les vers. Je suis entier, la gorge en feu et crois-moi, ma douleur est un signe de l'époque. Je suis en marche vers un autre advenir, advenir que le devenu, à la partie de cartes offert le berlingot présomptueux des cataclysmes. Nous y sommes en somme et de surcroît carrément vivant, survivant, nous y voilà, j'arrive. Nous prenons la trace des paniques susurées à coups de hachoir, à coups de cœur détournés, nous prenons le temps. De qui croire, à qui mieux, nous avons revêtu les habits molles de la terre. Usurpateur, tu tends des flèches à la ronde. Qui crois-tu viser, pauvre ampoule de circonstances? Entre les trémolos, les machines grincent. Et expire un peu que je t'aspire. Douleur sereine d'une autre vie, tant du temps mort, de mon corps usurpé encore. Nous y sommes, nous y voici là. Usurpant nos identités, qui parle je à qui, quand les noms tu continues de dire, sur le chemin rocailleux, nous avançons, en somme, sur la mince fourche horizontale, fière dressée et l'esplanade, nous permettant de voir la mer et de nous y adosser. Dans mon ventre, nous sommes couchés à même le roc, la pierre tombale se dresse, et l'ouragan s'en aperçoit. Il n'y a qu'un pain lequel d'entre nous pourra identifier le dire, parce que c'est après maintenant une question de confiance, et les torts sont réciproquement partagés. Il s'entraîne une dégénérence de l'angoisse qui commence à passer les rituels de la bonne conduite. Ils sont là pour éclairer nos chemins. Par la félicité qui arrive, nous redessinons nos destins mâles sombres. Prenez vos chapeaux, vos ponchos, vos mandoles. Dis-je subtil et faux ardent, nous nous en allions doucement. Écoutez le bruit des choses qui se nomment. Par-delà la fureur magique, quand les chevaux sont épuisés, ils tissent une robe magnifique aux amants et sur la jetée. Ils ont des tourterelles qui arabesquent à qui mieux mieux. Toi qui as besoin de parler, explose maintenant. Et avec fracas, explose les couleurs du verre. Les non-chants, les non-chants, les non-chants, les chants nous chantés à faire. Pour que survive le violet qui a tiré ses écumoires et récolté le sel glacé de son climat inachevé. Qu'allez-vous sortir être féroce, dévorant la queue du serpent, un territoire mis à nu, à usurper de temps en temps, en quête de trésors perdus? Qui dira la chanson si belle du fol espoir de nous voir en arc-en-ciel et dans les yeux? Il y a des métaphores qui traînent. Je crains de manger du boudin ce soir. J'en ai préparé au vin blanc. Il est plus l'heure de minauder. Guette le temps et les vers s'en trombent. Je suis d'ici, j'y reste fort quand le temps t'aura perdu. Viens guetter dessous ma porte, ribambelle de parlement. Je suis assidu au plaisir de goûter à la vertu du temps qui ne s'écrit, ne se dessine. Avec tes encarts publicitaires, je tiens par les orages ma main moite et déglutis, il est trop tard. Je repasse comme au carnaval les temps d'en face. Migrateur, poursuis la flèche lancée par le tourment. Mais enfin, mademoiselle, arrêtez de pisser tout le temps. Je suis un Toulousain, végétarien, honorable, que n'effraie pas le temps qui penche la cloche accrochée au cou de la bête. Je suis indemne du passé, pas pressé. Jus de citron sur l'écrevisse vissant son pourpoint, merci. Ayez pitié du fils de riche qui se délecte le palais de justice dans des armoires à peine ouvertes à décaper la poussière brune. Je pleure et pisse et nenni pète s'il y a du vice. Cachez-le-moi, le sel et le beurre. Le sel et le beurre, le beurre, le beurre, le beurre, le beurre, le beurre, le beurre, le beurre, le beurre, le beurre, le beurre, le beurre, le beurre, le beurre, le beurre, le beurre, le beurre, le beurre, le beurre, le beurre, le beurre, le beurre, le beurre, le beurre. Ah, Allah, qui êtes-vous, amis branchés? Vous chantez si bien sous la pluie. Vous chantez si bien sous la pluie. Arrêtez vos conneries sombres. Elles me font mal au gosier. Je pisse, je rote, et puis je pète. À ton envol, ta destinée, triste sire, malin matelot de funambule, à éclaireur de beauté, vous m'avez tenu dans la prune, et me voici toute désarmée. Je suis un guet-apens moi-même, mon sire, allez-vous donc me chercher? Guettez la prune, guettez la prune, guettez la prune, le peur, le peur, le peur, le peur, le peur, le peur, le peur, le peur, le peur. Le père, le père, le père, le père, le père, le père, le père, le père, le père, le père, le père, le père. Oh là là là là, j'ai mal au trip, oh là là, dit-elle comme vendant son boudin au marché. Oh là là là là, j'ai mal au trip, oh là là là, j'ai mal au trip, dit-elle comme vendant son boudin au marché. Elle sort ses entrailles, déjà sorties en fait, enfin entrailles, victoire face au professeur de longs boudins d'intestin qu'elle découpe en morceaux et propose aux clients qui passent. Vont-ils acheter sa viande à Castelnaudary? Peut-être non, à cause de la superstition. Suspendues des toiles blanches peuvent se balancer. Elles apparaissent, toutes ces toiles blanches, l'une après l'autre, dans l'ordre que l'on veut. Et un gros clash, et un gros clash, et un gros crash à glaireux sur la première. Et ainsi de suite, en tableau naissant, autant de fœtus pouvoir dire je. Je voudrais pouvoir dire je. Le monde. Le monde des îles, le monde des îles, le monde des îles là-bas, des illus, des illus, des illusions, des illusions, des illusions, pour résoudre, prendre, pour résoudre, prendre, pour résoudre, prendre une, pour résoudre, prendre une raie, une raie, une raie, une raie, une résolue, raie, une résolue, une résolue, résolue, résolution. La, laquelle, laquelle, laquelle, laquelle, la femme, voir le mal, le mal, elle a été voir le mal pour Elle s'est perdue. Un rat. République, hein, République, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, t'as raqué, hein, t'as raqué, hein, raqué dur, la fille, raqué, hein, raqué, et assister là, République, ah, t'as République, t'as répondu, t'as répondu, t'as République, hein, t'as répondu, t'as répondu, t'as répondu quoi, hein, Pilate, réponds, réponds-moi, réponds-moi, réponds-moi. Mystère, Mimi, Mimi, Mimi, mystère, Mimi, et tout est, et ça coûte, tout écoute, ça coûte, hein, c'est coûte, c'est coûte, ça coûte, écoute, écoute, écoute, écoute. Des mots, non pas écoute des mots, non, non, pas écoute des mots, non, non, non, non, non, pas des mots, non, non, non, non, non. Se dis pas les mots. Se disent pas les mots, se disent pas les mots, hein. Se disent pas les phrases, des phrases, se dit des mots de ce que, de ce qui disent, hein, ce qui disent, hein. Ce qui se dit, ce qui se dit, ce qui disent, ce qui se dit, ce qui se disent aussi, ce qui se dit de ce qui se disent, ce qui se disent de ce qui se dit, de ce qui disent, qui disent, qui disent, ce qui se dit, se dit, se dit, ce qui se dit, se dit pas ce que, ce qui se dit pas, se dit pas ce qui se dit pas, hein. Pas dit, pas, pas dit, pas, papa dit, papa, papa dit, dit, dit, papa, papa, dit, papa, dit, papa, se dit pas, papa, se dit pas, accent, accentuer, accentuation de ce qui est, de ce qui est, de ce qui se dit, de ce qui se situe, se situe, se situe, se situe, et de, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, et tu, tu, et moi, et moi, et moi, et moi, et tu, et moi, moi, moi, et moi, et moi, et moi, et moi, moi, et moi, à moi, et moi, et moi, alors, moi, à moi, moi, ou moi, moi, moi, tu aimes, tu es, tu aimes, tu aimes, Momo, les Momo, les Momo, Momo, Momo, Momo, langage, langage, langage, langage, plutôt que l'engagement, cours-toi, que plutôt que l'engagement, cours-toi, que plutôt que l'engagement, cours-toi. J'ai froid, j'ai agi, étranger. Sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'était David et Karina dans Nuisance. Nuisances is not cocaine. Nuisances is something else than cocaine. Nuisances is not heroin. It's not smack. It's not crack. It's not shit. It's not crap. It's something else. Nuisances is something else than nothing.